et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast qui parle Délivrez-nous. Oui, on sait, c'est rigolo comme titre. C'est Dino au micro. Bonsoir Dino, et c'est Bibiche au micro. Bonsoir Bibiche. Ça va? Bah oui, depuis ça va. Depuis la dernière émission. Bah oui, ça va. C'est vrai que ça fait un mois qu'on s'est pas vu autour d'un bah micro. Bah non, on a arrêté. C'est le divorce, ça nous sépare. C'est une belle phrase, ça, tu vois. Le divorce, ça nous sépare. C'est le divorce, ça nous sépare. C'est beau. Oui, oui, oui. Il y a une espèce de licence poétique derrière, mais payante, comme chez Microsoft. Alors, Bibiche, 8e émission de l'année. Ah, déjà ? Ça passe vite. 9e émission de ce podcast. Mmh. Très novateur. Écouté par 4 personnes, rappelons-le. 4, t'es généreux. Non, il est écouté par plus de personnes. Il y a des gens pendant des directs du SAV qui me demandent si j'ai fini de lire mon livre. Oh, c'est pas vrai. Tu veux dire qu'on a des auditeurs, des vrais ? Des vrais, oui. Autre que notre famille qui n'écoute pas. Et que nos chats qui miaulent. Tout à fait. Ou vomissent. Sachez que vous ne devriez pas les entendre ce soir puisque nous les avons tués tous les trois pendant ce mois d'août. C'était la miaou et du coup, on les a coupés en deux. Et du coup, on avait des miaou. Voilà, j'aime bien faire cette vanne. On n'a jamais été aussi proche de la miaou d'ailleurs. Et Bibiche, puisqu'on était à la miaou. Oui. On était donc dans le mois d'août. Tout à fait. Et quel qu'il était le thème du mois d'août ? Bah, le thème du mois d'août, c'était un roman avec une éclipse. À l'intérieur ? De préférence, parce que si c'est autour, ça enveloppe pas très bien les éclipses. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, parce que je pensais qu'il fallait lire un roman avec une éclipse. Ah ouais, mais du coup, ça aurait pas été bon pour le mois d'août de cette année. Il faudrait attendre la prochaine éclipse, et j'avoue que je sais pas quand est-ce qu'elle doit avoir lieu. C'est à 18h27, mais j'ai plus de jour. Ah ouais, c'est ça. Et donc, du coup, sur ce thème, on est un mois père. Oui. Mois père, père. Donc du coup, c'est toi qui commence. C'est parce que c'est moi qui ai une paire. On avait dit qu'on ne parlait pas de mon absence temporaire de coucougnette. Et donc on commence. Alors, premier cérémonie, je ne suis plus ce conducteur. On va d'abord échanger nos livres. Oui, puisque rappelons que le concept, c'est qu'on a lu un livre sur un thème et que donc... c'est très, très compliqué. Du coup, on a lu un livre sur un thème et on va parler du livre qu'on a lu en échangeant nos livres. Voilà. Du coup, je te donne un gros livre et je prends ton petit livre. Ah, c'est plus agréable. Il faudrait qu'on change de table. Pourquoi ? On est trop loin l'un de l'autre. Ah, pour se passer les livres ? Ben oui, d'autant plus que moi, je me suis éloigné en fait de ta personne puisque j'ai un nouveau pied de micro, donc du coup, voilà. Oui, et visiblement, j'ai un micro que j'utilise depuis 3 émissions déjà que je pensais encore que j'avais l'ancien micro avec le pied posé sur la table. Le petit quiz de Bibiche, quels étaient les thèmes des 3 dernières émissions ? Alors, au mois de juillet, c'était sur la Révolution. Alors, il faudrait le faire plus près du micro, Bibiche. Au mois de juillet, c'était la Révolution. Au mois de juin, c'était sur le cannabis. Et au mois de mai, c'était Star Wars. Et quels sont les livres que tu as lus ? C'est le deuxième niveau. Alors, le mois dernier, c'était la Révolution culturelle en Chine. C'était quoi le titre ? Que sans fleurs s'épanouissent. Oh la vache, putain. Elle l'avait pas hier. Non, hier, je l'avais pas du tout. Je sens qu'elle a révisé. Au mois de juin, c'était Défoncé. Oui. Ce qui était là, bien. Tu t'en rappelles. Ah bah bravo. Je l'ai lu à l'hôpital, alors je m'en rappelle. Et au mois de mai, c'était un Star Wars, mais faut pas que tu me demandes le titre. L'aube des Jedi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et du coup, mes livres. Mais du coup, toi, tu te souviens des livres que tu as lus ces 3 derniers mois ? Oui. Non, je me souviens pas de celui que j'ai lu au début du mois d'août, que j'ai oublié, que je me dis, c'est bizarre, c'est quoi ce livre que je connais pas ? Et que tu m'as montré comment on faisait sur ma bibliothèque pour retrouver les historiques. Bref, parlons de ton livre, parce que là, ça commençait à devenir vers moi, donc du coup, ça m'arrive, voilà. Oui, comme ça, on pourra pas prouver que, en fait, je suis pas la seule à ne pas savoir ce qu'on a lu ces 3 derniers mois. Tout à fait, femme. Des fois, il nous arrive de faire des choses par omission, ma chérie. Et c'est justement par omission que tu as lu. Oui. Alors, quand je dis que c'était par omission que tu as lu, tu n'as pas lu sans savoir que tu lisais. Non. En oubliant que tu lisais. Par omission, c'est voilà. Le titre du roman que j'ai lu. C'est effectivement un roman de Erin Kelly, publié aux éditions Bragelonne dans la collection Thriller. Oui. Voilà. Du coup, je ne vous surprendrai pas en disant que j'ai lu un thriller. Mais oui, je n'avais pas fait le lien. Un roman dont Publishers Weekly dit « c'est une intrigue en béton » parce que le livre, il est lourd. Oui. Je comprends du coup pourquoi il est si lourd, c'est parce que c'est l'intrigue, elle est en béton. Bah, tout à fait. J'avais pas compris pourquoi il était si lourd. C'est ça. Et est-ce qu'ils ont des armes à l'intérieur ? Des armes ? Oui. Non. Non, ah, du coup, c'est pas une intrigue en béton armé. Et Booklist Starred Review déclare incontournable, plein de mensonges et d'obsessions. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans l'édition française, ils mettent les références de trucs anglais, c'est-à-dire qu'en France, personne ne l'a lu, quoi. Visiblement, c'est, bah, je pense qu'il a été traduit tel quel avec les commentaires de médias anglais de la même manière. Donc, un livre au format papoche avec une couverture, le nom de l'auteur en gros en noir, le titre par omission en rouge, et une silhouette de femme floue. Les mains un peu plus nettes. Ouais, comme si elle était plaquée contre une vitre dans une douche embuée et enceinte. Et un peu, elle a les bras plaqués sur la vitre, mais elle se tient un peu plus en retrait, ce qui fait qu'elle est un peu plus floue. C'est exactement l'impression que ça fait. Et les mains ne sont pas floues, mais le reste est flou. Hmm. Au tel point que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était enceinte jusqu'à hier. Où j'ai dit, ah, mais dis donc, elle est enceinte. Oui, alors que le livre a été posé pendant un mois sur la table basse du salon. Mais oui, mais tu sais, moi, les gens enceintes, je les calcule plus. C'est fini. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'histoire de ce livre ? Alors, je ne vais pas en dire grand-chose parce que c'est un thriller. Et comme tout bon thriller, si on en dit trop, on gâche le plaisir de la lecture de ceux qui veulent le lire après. Mais ce que je peux en dire, c'est ce qu'on trouve en fait sur la quatrième de couverture. Alors, je vais déjà parler de la forme. Le titre en anglais, c'est « He said, she said ». Et c'est vraiment un titre qui révèle la construction du livre. Parce que c'est un livre qui parle d'un couple, Kit et Laura, qui ont été témoins il y a 15 ans de ce qui semble être un viol. Et cet événement a changé leur vie. Et ça se déroule. Aujourd'hui, le roman se déroule 15 ans après. Et en fait, il se compose de chapitres qui sont vus du point de vue de Laura et du point de vue de Kit. Au passé, où il raconte ce qui leur est arrivé au passé, et au présent. D'où le « he said, she said » qui fait vraiment une distinction entre les chapitres écrits du point de vue de Laura et les chapitres écrits du point de vue de Kit. Oui, parce qu'ils ne sortent pas dans le titre français sur lequel on reviendra. On reviendra sur le titre. Donc en fait c'est donc en fait l'histoire c'est ça. Il y a 15 ans lors de l'éclipse de 1999, Kit. C'était le 11 août. C'est pour ça qu'on a choisi le mois d'août l'éclipse parce que voilà c'est bien qu'est-ce qui s'est passé en août l'éclipse. Il se passe rien en août. Donc en fait Kit c'est un jeune homme. Ils ont la vingtaine à peu près quand ils se rencontrent. C'est pas la voiture de K2000 ? Non c'est pas la même. C'est pas le même. Non c'est Supercopter c'est autre chose. J'allais chanter Supercopter. Du coup, Kit, ils ont 20 ans hein, tous les deux en 99 quand ils se rencontrent. Et lui a grandi avec son père et son frère jumeau. Et leur père les a emmenés quand ils étaient gamins sur toutes les éclipses qui avaient lieu sur la planète. Donc, ils ont beaucoup voyagé. Et Kit est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un chasseur d'éclipses, c'est-à-dire qu'en fait, il se rend à toutes les éclipses en voyageant beaucoup pour être à l'endroit où il pourra avoir le meilleur spot pour observer l'éclipse et faire des photos de l'éclipse. C'est vraiment... C'est rigolo de chercher un spot pour voir une éclipse. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait, il fait des études pour en faire son métier, vraiment. Il fait des études scientifiques. Il est éclipsologue. Je ne sais pas s'il y a un terme, mais c'est vraiment sa spécialité. Et Laura, elle fait des études c'est plus commerce, finance. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est travailler pour des associations caritatives et lever des fonds pour ces associations. Dans les bouquins, j'ai l'impression que les gens qui font des trucs en finance, ils veulent jamais travailler à Wall Street. Ils vont tous travailler à Wall Street. Ah non, elle, vraiment, elle veut bosser vraiment dans le caritatif, dans l'humanitaire. Et elle sait qu'au début, il faudra qu'elle se fasse un nom dans les finances pour montrer qu'elle sait faire ce genre de choses. Mais après, elle va se diriger le plus rapidement possible vers la levée de fonds. Je sais pas comment on appelle ça exactement pour l'humanitaire, dans du caritatif. Donc bref, ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et en 99, il y a eu une éclipse qui était totale en Cornouailles. Et donc, ils vont... Il faut savoir qu'il y a lors des éclipses, il y a parfois des festivals pendant l'éclipse où les gens peuvent venir observer. Il y a les scientifiques, mais il y a aussi, les gens qui... Des festivaliers, des passionnés, gens, des gens qui viennent observer l'éclipse, mais qui sont dans un trip, ça fait festival Woodstock, quoi, avec la drogue, l'alcool, un peu hippie, baba cool, c'est un mélange de choses. Ouais, tu viens Jean-Michel, on va aller regarder l'éclipse, tu vois, c'est trop grave. C'est un peu ça, Mais en même temps, les substances qu'ils prennent doivent leur permettre d'avoir encore plus de sensations pendant l'éclipse. Enfin bref. En tout cas, eux, ils vont... Ah, Jean-Michel, je vois plus rien. T'inquiète, c'est normal, c'est l'éclipse. Donc enfin, ils vont à l'éclipse en 99. Eux, ils ont un petit stand où ils vendent du café, du thé, plutôt du thé, genre thé chai, très bio, trucs comme ça, des boissons chaudes, histoire de rentrer un peu dans leurs frais pour payer le voyage. Donc ils y vont à quatre, Kit, Laura, le frère jumeau de Kit et sa petite amie qui se trouve être la meilleure amie de Laura, puisque c'est comme ça qu'elle les a connus. D'accord. Et donc sur place, ils sont témoins d'un viol. Ils sont témoins. En fait, ils vont après l'éclipse, ils retournent à leur tente et ils se sont un peu séparés parce que ils ont trouvé un porte-monnaie par terre et ils trouvent pas alentour la personne qui aurait perdu un porte-monnaie. Oui. Et Laura tombe sur une scène où il y a une fille qui est écrasée sur le sol avec un mec qui est en train de lui faire l'amour ou par-dessus. Et ce qu'elle voit. Pour elle, c'est un viol. Et donc, du coup, elle arrive, elle demande ce qui se passe, et le mec se retire en disant « Non, mais c'est pas ce que vous croyez. » J'étais en train de chercher des champignons. Et il tente de se sauver, et à ce moment-là, il y a Kit qui arrive. Laura lui dit « Ne le laisse pas partir. » Et lui, il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'a pas assisté à la scène, mais il fait ce que Laura lui dit. Il court après le mec pour essayer de le rattraper. Bon, après, c'est un festival, il y a beaucoup de monde, il se perd dans la foule et il ne le retrouve pas. Oui. Et Laura prend en charge la fille qui est en état de choc, qui ne parle pas, qui ne dit même pas son nom. Et en fait, elle appelle la police et ils envoient des gens pour prendre leur déposition, pour prendre en charge la jeune fille qui a été violée. Et donc ça, c'est ce qui leur est arrivé en 99. Donc suite ça, c'est le temps 1. Le temps 2, c'est 15 ans plus tard. Non, le temps 2, c'est la suite de ça, en fait, c'est le procès. Donc qui se déroule entre les deux. Qui se déroule en 2000, enfin l'année suivante. D'accord. Le procès du présumé violeur. Suit. Puisqu'on rappelle qu'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est le présumé coupable. Le présumé violeur. Le présumé violeur. Bon, c'était bien. Le terme que j'avais utilisé était bien. Donc il y a le procès et évidemment Laura et Kit sont appelés à témoigner. Et en fait, pendant le témoignage. Laura, elle va être déstabilisée par l'avocat de la défense, parce qu'il faut savoir que le présumé violeur, Jamie Balcombe, vient d'une famille très très riche, et donc ils ont engagé un super bon avocat pour défendre leur fils. Mais même très riche, on suppose. Voilà, et alors que la présumée victime est défendue par un avocat commis d'office. Et donc l'avocate est très très douée et elle déstabilise Laura qui, prise dans le moment, se retrouve à mentir, à faire un faux témoignage au moment où elle fait son témoignage. Mais c'est pas quelque chose de prémédité ou tout d'un coup sur le moment elle se rend compte qu'en fait elle a l'impression de trahir la victime parce qu'elle elle est convaincue de ce qu'elle a vu, c'est une certitude, parce que, comme elle le dit, ce qu'elle a vu, la réaction de Jamie, ça lui a fait penser à la réaction d'un enfant qu'on prend la main dans le pot de confiture et qui dit « c'est pas moi, j'ai rien fait ». J'aime beaucoup ton analogie. Mais c'est celle qu'elle utilise dans le livre, mais c'est très parlant, parce qu'on on connaît tous ça nous est tous arrivé à nous. Et on a tous été ce petit gamin qui se faisait prendre la main dans le pot de confiture. C'est pas ce que tu crois, c'est pas vrai. Je suis pas en train de masturber. J'avais une saleté. Voilà. Et on connaît tous cette expression. Et elle a vu cette expression sur son visage, donc c'est ça qui fait que ça la convainc. Je suis désolé, mais j'ai jamais pensé à cette excuse. Mais c'est totalement mon excuse. Excuse-moi, j'avais une saleté, j'ai regardé. Et du coup. Prise dans elle a l'impression en fait de trahir la victime en n'arrivant pas à transmettre sa conviction d'avoir assisté à un viol au jury. Et donc elle se retrouve à faire un faux témoignage sans l'avoir prémédité, sans l'avoir réfléchi. Les mots sortent tout seuls. Elle dit que la victime baisse, a dit quelque chose, alors que quand elle avait fait sa déposition, elle avait juste dit qu'elle avait gémi. Elle n'arrivait pas à parler, elle a gémi, et en fait, elle dit que non, elle avait gémi en disant non, pas ça. Du coup, elle fait un faux témoignage, et c'est quelque chose qui va la hanter, parce que c'est quelqu'un de foncièrement honnête, qui croit à la vérité, et qui a du mal avec sa conscience à vivre avec le fait qu'elle a fait un mensonge, qu'elle a menti, qu'elle a fait un faux témoignage, et qu'elle ne veut l'avouer à personne. Et donc ça, du coup, c'est la première temporalité. C'est la première temporalité. Après, on est aussi dans la temporalité en 2015, où ça se passe actuellement. Ils sont mariés. Laura est enceinte de jumeaux qu'ils vont avoir après avoir fait de nombreuses tentatives. Donc c'est elle qui est enceinte sur la. De nombreuses tentatives de FIV. Et on apprend au fur et à mesure qu'en fait, depuis 15 ans, ils ont changé de vie, ils ont changé de nom, ils ont déménagé maintes fois, ils font en sorte de ne pas pouvoir être reconnus, ils sont pas reconnaissables sur Internet, ils se font jamais photographier, jamais filmer, ils n'ont rien sur les réseaux sociaux. Ils ont peur. Ils se cachent, en fait. Ils se cachent parce qu'ils se cachent de leur passé, de certaines choses qui sont arrivées dans leur passé. Et ça, en fait, on va l'apprendre dans une autre temporalité qui est entre la fin du procès et, on va dire, jusqu'à ce que ça revienne à maintenant, en 2015. Et en fait, on apprend petit à petit qu'ils se cachent de Bess et de Jamie. D'accord, il se cache des deux, il se cache de la victime et de celui qui a été reconnu coupable. Oui, parce que d'un côté, on se demande pourquoi il se cache de Bess, puisque Bess était la victime et qu'a priori, elle n'avait pas à leur en vouloir, puisqu'ils ont tout fait pour l'aider et qu'ils étaient de son côté. Et Laura se cache de Jamie parce que, ils sont deux à savoir qu'elle a menti. Elle et Jamie qui était présent à son procès. Il était présent, il sait très bien qu'elle a menti parce que la victime n'a pas dit ce qu'elle a dit qu'elle avait dit. C'est très compliqué. Pareil, ça fait très court de récré. Et donc voilà, toute la construction du roman est faite qu'en fait, on apprend ce qui s'est déroulé au passé au fur et à mesure des chapitres. Oui, du coup, effectivement, on a cette double temporalité, enfin, on a cette double narration qui fait que, en même temps qu'on apprend qu'il y a ce viol, on commence à comprendre qu'il s'est passé un truc, qu'ils se sont éloignés, et au fur et à mesure, les choses s'éclaircissent. Ça s'éclaircit au petit à petit, au fil des chapitres. On a, en fait, le livre est découpé en 5 parties correspondent aux 5 phases de l'éclipse. Oui, c'est la question que j'allais te poser, c'était parce que jusqu'à présent, même si c'est pas un enjeu dans notre challenge, ça ne l'est clairement pas dans mon livre, mais à quoi sert l'éclipse dans Alors, tout ça ? Alors, l'éclipse, elle a deux fonctions. D'abord, parce que ce qui leur est arrivé, ce dont ils ont été témoins, c'est parce qu'ils sont allés assister à une éclipse, et que très clairement, dans le roman, on assiste à plusieurs éclipses, parce que Kit est chasseur d'éclipses. Donc, c'est vraiment, ça reste un élément important. Et aussi parce que le roman est construit de la même manière que les 5 parties d'une éclipse. En fait, dans une éclipse, on a le début, c'est la première partie. Je vais avoir besoin du livre. Le premier contact. Premier contact. Le premier contact, en fait, ça correspond. Je remets sur la bonne page où ils expliquent. Le premier contact, c'est le moment où la lune, en fait, commence à recouvrir le soleil. Le deuxième contact, c'est le moment où elle est presque recouverte, où la lune recouvre presque entièrement. Ensuite, il y a la totalité où la lune recouvre entièrement le soleil, où on voit juste une couronne brillante. Ensuite, le troisième contact, c'est la lune qui commence à repartir et on revoit le soleil qui apparaît. Et le cinquième contact, la lune a fini par s'enlever de devant le soleil et tout redevient comme avant. Et en fait, le roman, alors il y a l'éclipse dans le roman parce qu'ils sont chasseurs d'éclipses. Et il y a le roman construit en 5 parties qui correspondent. Chaque partie a le titre d'une de ces étapes de l'éclipse. Premier contact, deuxième contact, totalité, troisième contact. Mais ça a vraiment du sens ? Et ça a vraiment du sens parce que, en fait, la première partie. Alors, je n'ai pas dit ce qui se passait au présent. Au présent, donc, ils sont tous les deux en 2015, ils se cachent de tout. Laura est enceinte, elle est enceinte de 6 mois de jumeaux, donc elle ne peut pas voyager, et quitte par seule assister à une éclipse sur les îles Féroé. Et en fait, on va en 2015, on assiste sur ce qui se passe pendant 3-4 jours maximum. Le moment, en fait, où Kit part aux îles Féroé jusqu'au moment où il revient. Elle s'inquiète, en fait, de la séparation. Elle est inquiète parce qu'elle a peur que leur passé les retrouve. La première partie, c'est vraiment la construction, le début en fait. Ça correspond vraiment au moment où la lune s'approche, c'est le début. On a le moment où, dans le présent, ils sont inquiets l'un et l'autre à l'idée de se séparer parce qu'ils se font du souci l'un pour l'autre par rapport à leur passé et au fait qu'ils s'en cachent et qu'ils ont peur que ça les rattrape tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on apprend leur passé, c'est-à-dire le fait qu'ils ont leur rencontre, le fait qu'ils ont été témoins d'un viol et qu'ils ont témoigné au procès et que Laura a fait un faux témoignage qu'elle n'a jamais avoué à quiconque. Alors, du coup, tout se met en place dans la première partie. Dans la deuxième partie, ça recouvre plus. On voit la noirceur qui s'avance sur le soleil parce que dans le passé, on est entre le moment où le procès s'est terminé et le temps présent, c'est-à-dire qu'on voit le moment où Bess s'est insinuée dans leur vie, où Jamie a commencé à harceler Laura de lettres, et le moment où, en fait, petit à petit, il y a eu des événements qui ont fait que aujourd'hui ils se cachent oui, et ils ont peur de leur passé. Effectivement, qu'il y a, voilà. Il y a des raisons. C'est la noirceur qui grandit vraiment dans leur passé et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ce comportement-là. Et ça suit vraiment cette progression-là. Et D'accord, donc c'est vraiment justifié, c'est pas juste oui, du gadget. C'est pas juste du gadget. Au début, je pensais que c'était juste gadget quand j'ai commencé à lire, mais au fur et à mesure, et encore plus quand on a terminé de lire, j'ai fait en fait comme la dernière fois, comme je suis toujours sous morphine, je me suis fait un petit résumé de chaque partie à la fin de chaque partie. Et quand j'ai repris mon résumé après avoir lu le roman, j'ai vraiment vu le lien entre chaque partie de l'éclipse et ce qui se passait dans le roman à ce moment-là, au passé comme au présent. D'accord. Et on voit vraiment cette progression vers la totalité où c'est vraiment le moment où c'est le plus sombre et où au moment où après, ça recommence à s'éclaircir parce qu'on découvre des choses. C'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à mon livre dont on parlera après. Où il y a une structure, mais qui, pareil, qui, je pense que de la même manière que toi, il y a besoin de prendre peut-être un peu de recul pour bien comprendre la structure du livre. La structure, en fait, tu peux l'appréhender qu'une fois que tu as terminé le livre. Ça. Une fois que tu l'as lu dans son entièreté, tu le regardes et tu vois qu'effectivement, il y a une structure qui est derrière. Mais tant que tu lis, tant que tu ne l'as pas fini, tu ne peux pas le voir, ce n'est pas possible. Et alors, moi je me rappelle, à un moment donné, on était dans la rue et je ne sais plus où on allait. On devait sans doute aller à la librairie. On devait aller à la librairie qu'on a braqué ce mois-ci. Enfin, que tu as braqué et puis après que j'ai braqué, mais en précommande. Même pas pour le challenge, en plus, c'est pas drôle. Donc, non, quoi que toi, oui, c'est pas, c'est pas grave. On va pas raconter notre vie, c'est pas le lieu. On a acheté plein de livres, comme d'habitude. Voilà, et donc du coup, on est sorti et tu m'as dit, ouais, par contre, le titre, il est pas vraiment justifié. Le titre français, par omission, parce que, et tu l'as dit d'ailleurs, c'est pas un mensonge par omission, parce qu'au contraire, c'est plutôt un faux mensonge. C'est un faux témoignage. Elle rajoute des choses. Ce qui est absolument l'inverse. Et j'avais lu à ce moment-là, j'avais fini la première partie, je devais en être à la deuxième partie, puisque le procès se termine à la fin de la première partie et le jugement a lieu à la fin de la première partie. Et je me disais, mais en fait, le titre est très, très mal choisi parce que ce n'est pas du tout un mensonge par omission. Moi, quand j'avais lu le résumé et que j'avais vu le titre, je pensais qu'ils avaient oublié, qu'ils avaient tu quelque chose qui s'était passé pour ne pas apporter quelque chose le contraire de condamné, qui aurait... Disculpé. Voilà, qui aurait disculpé Jamie. Et je pensais que c'était ça, en fait. Et je me disais, mais en fait, le titre est très, très mal choisi, parce que c'est pas un mensonge par omission, ça devrait s'appeler faux témoignage. Je disais, c'est vraiment pas bien. Et je préférais le titre en anglais, He Said, She Said, qui montrait vraiment l'alternance entre les chapitres vus par Laura et les chapitres vus par Kit. Bon, et puis je suis restée là-dessus, puis j'ai fini le livre. Et en fait, le titre est très, très bien choisi. Parce qu'en fait, on découvre plein, plein de non-dits. Mais pour ça, il faut avancer dans le livre Et du coup, ça fait... Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ce qu'on a vu au départ, c'est pas tout. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été dites. Il suffit de se dire que c'est raconté par deux personnes. Donc si on a une version à un moment donné, celui qui va la raconter, si c'est l'autre, il n'aura pas forcément vu la même chose. Et donc au fur et à mesure qu'on avance et qu'on retourne sur le passé, il y a effectivement beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et du coup, le titre « Par omission », c'est vraiment ça. Parce que par omission, on tait quelque chose. Et en fait, le livre, il pose la question de... on ne dit pas quelque chose et on se trouve pris dans un engrenage de mensonges qui va nous emmener, qui va nous entraîner vers quelque chose de monstrueux à la fin. Comment un mensonge par omission, au départ, petit, tout simple, juste je dis pas un truc, peut à partir de bah, en fait, on dit pas une chose qui en entraîne une autre, et à la fin, ça fait un truc énorme qui peut... qui peut bouleverser des vies, qui aura des conséquences énormes sur la vie des personnes, mais sur d'autres personnes autour. Parce qu'au final, si on revient sur le titre anglais, « He said, she said », donc pour les non-anglophones, il a dit, elle a dit. Là, jusqu'à présent, et les fois qu'on a pu en discuter hein, de temps en temps, c'est beaucoup centré sur le personnage féminin, sur le she said. Oui. Mais au final, le he said, tu m'en as assez peu parlé. Parce qu'en fait, il arrive beaucoup plus tard. L'alternance entre les deux fait que n'est pas je viens de faire un grand coup dans le micro. C'est pas grave. En fait, l'alternance de chapitres entre les deux n'est pas la même pendant tout au long du livre. Et c'est pareil, ça, je m'en suis rendu compte après. Laura est prépondérante au début. Et quand on arrive à la moitié, à la totalité, c'est pas vraiment la moitié du livre parce qu'en fait, le début est plus gros que la fin. Mais à un moment où on a passé la totalité, la partie qui correspond à la totalité de l'éclipse, on bascule de l'autre côté et c'est Kit qui prend c'est la version de Kit en fait qui reprend donc à nouveau la structure c'est vraiment lui qui reprend le plus important. Au début c'est plus sur Laura, à la fin c'est plus sur Kit, même si ça alterne alors il peut y avoir 2-3 chapitres de la même personne, ne serait-ce que parce qu'on va entre passé et présent. Et ça, c'est vraiment tout au long du roman, sauf la dernière partie. Mais du coup, oui, Laura est plus présente au début, Kit est plus présent à la fin. Alors, et c'est pour ça que je t'ai moins parlé de lui, parce qu'effectivement, on le découvre plus à la fin. Et qu'à ce moment-là, je n'allais plus t'en parler parce que ça... D'abord, ça aurait gâché ce que j'aurais pu dire pendant l'émission. Et puis en plus, ça gâcherait le plaisir de la lecture. Oui, j'espère bien que je le lirai. Alors que j'ai déjà 3000 livres en retard. Tout comme moi. Au final, ton sentiment sur le livre, en tant que lectrice, c'est quoi ? Alors, c'est un très bon thriller. C'est un très bon thriller qui est très bien construit. Alors, je suis pas forcément fan de thrillers. J'en ai lu quelques-uns, mais c'est pas ma. Moi, à part celui de Michael Jackson, j'en connais pas d'autres. C'est pas du tout le même. Il n'y a pas de zombies qui sortent des tombes. Ah, c'est nul. Mais il est très très bien construit. Les personnages sont... On prend le temps. C'est un roman dans lequel on prend le temps d'appréhender les personnages dans toute leur complexité et où du coup, ça les rend très crédibles et très... On a de l'empathie vraiment. On ressent ce qu'ils peuvent ressentir. Moi, j'ai été submergée par les sentiments de Laura dans sa culpabilité par rapport au fait qu'elle avait fait un faux témoignage et le fait qu'elle s'interroge en permanence sur est-ce qu'elle a eu raison de le faire ? Elle sait qu'elle a eu tort de le faire. Elle le sait. Mais... Elle s'interroge sans arrêt. Il y a un vrai questionnement, effectivement, sur la vérité, sur le mensonge, sur le fait que le mensonge au service de la vérité. Oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que Erin Kelly est, je crois, une journaliste. Alors j'avoue que j'ai pas forcément fait de recherche sur elle. De ce que j'ai cru voir, c'est une journaliste ou une ancienne journaliste, et que bah, fondamentalement le métier de journaliste, c'est, je pense que l'un des débats du métier de journaliste, c'est la perception de la vérité. Mmh. C'est est-ce qu'un journaliste, c'est de dire la vérité, est-ce que c'est de relater les faits, et au final, qu'est-ce que c'est que la vérité ? De toute façon, quand tu relates des faits, ils sont jamais objectifs. Parce que tu les relates de ton point de vue. C'est tout le sel, entre guillemets, du roman qui, au-delà d'être un simple thriller, on en a vu des thrillers qui sont les thrillers, mais qui au final ne font pas forcément réfléchir. Là, il y a vraiment une réflexion sur la réalité. J'avoue que ça m'a interpellée sur je me suis mise à sa place et je me suis dit comment j'aurais réagi, moi, en tant que témoin dans un tribunal où effectivement tu es persuadé de savoir ce que tu as vu. Tu es persuadé, c'est de la conviction qui va au-delà de quelque chose d'objectif. Enfin, c'est-à-dire que ça fait appel à quelque chose qui est en toi que tu ne peux pas, qui est au-delà de la logique. Elle sait qu'elle a assisté à un viol. Dans ses tripes, elle le sait. Et mais le savoir, c'est pas une preuve. Donc, comment transmettre ça lors d'un tribunal, lors d'un procès au tribunal ? Comment faire comprendre au jury que c'est pas juste une impression ou que c'est pas une interprétation ? Et en même temps, est-ce que c'est le rôle d'un témoin que de dire ce qu'il est sûr et d'essayer de convaincre ce qu'il est sûr plutôt que de relater les faits ? Mais en fait, je pense qu'il y a une solidarité féminine qui fait que elle a assisté à un viol, elle a porté assistance à cette jeune femme qui venait de se faire violer et ça l'a, enfin, elle a souffert pour elle et pour elle l'homme qui l'a violée doit être condamné. À ce moment-là, elle ne les connaît pas, elle n'a aucune idée de qui ils sont, s'ils sont pauvres, s'ils sont riches, s'ils sont connus, s'ils sont pas connus. Tout ce qu'elle voit, elle voit une femme qui vient de se faire violer par un homme et l'homme doit être condamné pour ce qu'il a fait. Oui, ce qui renvoie de toute façon au fait, mais c'est en ça que je trouve que ce que tu en dis est d'actualité. C'est-à-dire que, mais je trouve qu'aussi il y a un lien avec les clips. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas adopté tous les points de vue, on peut difficilement se faire une opinion. C'est profondément d'actualité. Et une éclipse, c'est quand même une expérience quand même assez inédite, c'est-à-dire de découvrir la nuit en plein jour. Oui. Et apparemment, il y a eu l'éclipse en elle-même est très très bien décrite. Alors pas forcément celle de 99 parce que pas de chance en Cornouailles, le ciel était couvert. Mais à un moment donné, ils assistent à une éclipse en Zambie, je crois. Quelques années après, où vraiment le processus est décrit, c'est apparemment d'un point de vue scientifique et d'un point de vue ressenti, c'est vraiment très très bien écrit. Elle a fait des recherches auprès de spécialistes en fait pour pouvoir se baser là-dessus. À la fin, dans les remerciements, il y a un truc qui m'a beaucoup amusée, c'est que elle dit que elle remercie. C'est un avocat, mais elle s'est renseignée auprès de spécialistes et elle les a harcelés de questions pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de crédible. Oui, en même temps, sans ça, ceux qui ont un souvenir de l'éclipse de 99, je pense qu'on a un souvenir marquant parce que c'est expérimenter quelque chose. Oui, même si tu sais scientifiquement ce qui se passe, quand tu le vis, c'est impressionnant. Oui. Et donc oui, c'est un très très bon thriller parce que donc les personnages sont très très bien construits et les retournements de situation, même si tu les attends parce que tu sais qu'ils vont arriver, ils arrivent, mais ils te surprennent. Pas téléphoner. Tu peux pas du tout prévoir ce qui va arriver. Le moment où tout d'un coup j'ai découvert ce qui s'est, où on a vraiment les explications. Moi, j'en suis restée sur le cul. J'aurais jamais imaginé ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à me retenir de lire les 100 dernières pages en une seule fois. Je sais qu'il y a eu un soir où j'ai lu, où je me suis laissée volontairement les 50 dernières pages parce qu'il était 2h du matin et qu'à un moment donné, il fallait que je pose le livre. Oui, puis je ronflais, du coup, ça commençait à te perturber. Non, tu ronflais pas, t'étais très calme ce soir-là. C'est pas la fois où j'ai cru que t'avais arrêté de respirer. J'ai arrêté de respirer, je suis décédée pendant 2 minutes, ma chérie. Non, c'était pas si long que ça. Mais et alors, du coup, dernière question. parce que je suis plein de questions. Et je vois que tu n'as pas forcément corné beaucoup de pages. Non. Il n'y a pas de passages qui t'ont marqué, du coup ? En fait, c'est... Il y a des passages qui m'ont marqué, mais parce que ça fait, en fait, écho à quelque chose en moi. Pas parce que ça a une importance... Alors, il y a plein de passages qui ont une importance dans le livre, mais je peux pas les lire parce que ça révèle, en fait. Je me rends compte que ça révèle des choses. Je pourrais le dire si la personne en face de moi avait lu le livre et qu'on pourrait en discuter en comparant ce qu'on en a ressenti. Oui, c'est bon, je vais le lire, ton livre, laisse-moi le temps. Il est trop gros pour que tu l'emmènes en Roumanie. Oui, non, ça passera pas les 10 kilos de ma valise. mais du coup, effectivement, j'ai pas coché beaucoup de pages. Il y en a juste une que j'ai cochée parce que elle a eu effectivement beaucoup de... Ça m'a touchée personnellement. C'est en fait, après le jugement, le procès, y a le compte-rendu qui paraît dans la presse, il y a les journalistes qui font des articles sur ce qui s'est passé, et il y a un article qui est cité, je ne pense pas que ce soit dans son intégralité, parce que ça fait très court pour un article, mais ils lisent ce qu'il y a eu dans les journaux, essentiellement aussi parce que Laura a très très peur que les journalistes fassent allusion à ce qu'elle a dit lorsqu'elle a témoigné, et que du coup, quitte se rendre compte que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Du coup, c'est pour ça qu'elle lit absolument tous les journaux pour être sûre que ça va pas se voir. Et cet article-là, il m'a touchée parce que c'est quelque chose qui est intemporel, enfin quelque chose qui est toujours d'actualité. Ça parle du viol. Et on a tendance à penser que quand une personne se fait violer, elle se débat. Et quand on là la victime, si elle ne s'est pas débattue, c'est que c'était pas un viol. Et alors, je vais lire ce passage parce qu'effectivement, je te l'ai déjà lu, mais il m'a beaucoup marqué. Le son de sa braguette qu'il baissait, c'était comme entendre le chien d'un pistolet que l'on actionne. On est otage, on fait ce qu'on nous ordonne. Je ne pouvais pas me débattre, je me suis figée, je voulais juste que ça se termine. Ainsi commence le témoignage de la victime de Jamie Belcombe. La jeune femme a 20 ans et cet homme a été condamné la semaine dernière pour viol prolongé. Les faits ont été perpétrés durant un festival organisé à l'occasion de l'éclipse solaire totale en Cornouailles en août de l'année passée. Ces paroles puissantes secouent l'idée reçue selon laquelle résister à un viol pour une femme, c'est se débattre violemment et de toutes ses forces. Pour la plupart des victimes de viol, la peur est paralysante. Et j'ai été interpellée par ce passage parce qu'effectivement, c'est encore trop souvent de nos jours pas pris en compte. Quelqu'un qui se fait violer et qui ne résiste pas. Pas pour autant qu'elle consent. C'est pas pour autant qu'elle consent. C'est-à-dire que à ce moment-là, je l'avais lu dans un autre livre où ça parlait d'un viol et où en fait la femme qui se faisait violer, la seule ressource qu'elle avait trouvée pour survivre à ce qu'elle vivait, à l'horreur qu'elle vivait au quotidien, parce que c'était des viols répétés, c'était de se cacher en elle-même, en fait, de ne plus être présente. Le cerveau fait un truc, en fait la personne n'est plus présente à ce moment-là dans ce qui se passe, elle se protège en n'étant plus là, entre guillemets, même si c'est pas la bonne expression, se laisser faire, c'est une forme de résistance. Son corps ne lui appartient plus, c'est juste un corps vide, en fait c'est juste un corps vide que tu abandonnes le temps du viol et que tu réintègres après parce que tu ne peux pas faire autre chose, déjà parce que souvent une femme qui se fait violer par un homme physiquement est plus faible et c'est difficile de se battre, de résister. Et puis parce qu'il peut y avoir la peur de mourir aussi. C'est le cas dans certains viols avec des armes et tout. C'est pas le cas dans le bouquin, mais ça peut l'être. Et où effectivement, quand on n'a pas de ressources, le seul moyen de s'opposer c'est de ne plus être là. Parce qu'en fait, on n'est pas capable de repousser. On n'est pas capable de se battre, on est paralysé par la peur, par ce qui se passe. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est que la vision souvent de la résistance, c'est effectivement de se débattre, etc., mais c'est pas la seule forme de résistance. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce passage-là, parce que ça met en lumière quelque chose qui, encore aujourd'hui, n'est pas forcément couramment admis. Ça parle beaucoup du procès d'un viol où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, où comment peut-on prouver, parce que oui, il y a des examens médicaux, mais tout ce qu'ils vont réussir à prouver, c'est qu'il y a du sperme de l'homme sur la femme, mais comment prouver qu'il y a eu consentement ne témoigne pas des, ou qu'il n'y a pas eu de consentement. Et lui va dire mais elle était consentante, la fille va dire non, je n'étais pas consentante. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que le livre, il introduit ça aussi par le fait de présenter l'histoire par deux points de vue qui ne sont pas concernés, parce que ce ne sont pas la, c'est juste la victime et témoins. Et du coup, voilà, ça remet effectivement ce fait que c'est le he said, she said de titre, il s'applique aussi bien aux témoins qu'aux deux personnes qui sont impliquées, la victime et le présumé coupable. C'est exactement ça, parce que c'est à ça que se résume un procès pour viol. C'est toujours à ça que ça se résume, au point de vue de deux personnes qui sont différentes et qui croient, parce qu'il n'y aura jamais de preuves. À part si ça a été filmé par une caméra ou quelque chose comme ça. Mais sinon, il n'y a jamais de preuve quand c'est le témoignage de l'un contre celui de l'autre. L'importance, du coup, peut-être de rappeler que si c'est souvent difficile de prouver, plus on attend, plus c'est difficile de prouver. Donc surtout que quand ça arrive, il faut essayer de trouver les ressources. Alors, c'est aussi dit dans le livre, la victime, elle dit que si les deux témoins du viol n'avaient pas été là, elle n'aurait pas porté plainte. Ce qui est le cas de beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte encore. Parce qu'il y a le regard, et ça aussi, ils en parlent dans le roman, le fait qu'elle est allée seule à un festival de musique. Comment ? Mais vous êtes allée seule à un festival de musique ? Mais vous êtes une fille facile. Bien sûr que vous avez couché avec lui, vous vous êtes laissée aller, puis après vous avez dit « Oh non, j'aurais pas dû faire ça, je vais dire qu'il m'a violée. » C'est à ça, en fait, que se résume le discours de l'avocat de la défense. C'est d'écrire la victime comme une personne qui est une fille facile, qui vit dans... Qui aime la vivre dangereusement et tout. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, en lisant le roman, je dirais, oui, mais même si c'était le cas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été violée. Oui. À partir du moment où elle ne consent pas à cette relation, c'est un viol. Même si c'est une fille facile en temps normal, même si elle porte des tenues suggestives, même si, ce qui n'est pas le cas dans le roman d'ailleurs, même si elle a un comportement aguicheur en temps normal, à partir du moment où elle n'est pas consentante, c'est un viol. Peu importe le reste. Sauf que ça, tu ne peux pas le prouver. Et c'est pour ça que ce bouquin, il m'a d'autant plus... d'autant plus interpellé, et ça renvoie à quelque chose de personnel. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur plusieurs thèmes, parce que ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ça fait réfléchir au niveau de la vérité, le mensonge, l'engrenage que ça entraîne et tout. Et c'est un très très bon thriller. C'est vraiment un très très bon thriller parce que il nous embarque et on est surpris. Et vraiment, il est très très bien construit. Lisez-le sans problème. Vous allez passer. Je vais lire la première et la dernière phrase. Un très très bon moment. Parce que je sais que tu ne pourras pas le faire sur mon livre. Oui. C'est encore un livre où il n'y a pas de phrases. Si, justement, il y a des phrases, mais il n'y a qu'une seule phrase dans ton livre. Non, c'est faux. Il y a plein de phrases, mais c'est juste qu'elles sont très très longues. Alors, première phrase de ton roman, nous nous tenons côte à côte devant le miroir moucheté. Ça n'engage pas trop. Non. Dernière phrase. Et c'est avec satisfaction que j'ai vu sa main infidèle se refermer autour du manche. Et maintenant que je sais à quoi ça fait référence, je me dis que waouh. Ok. Je vais le lire. Je ne sais pas quand, mais je vais le lire. Tu m'as donné envie de le lire. En tout cas, c'est donc Par omission de Erin Kelly aux éditions Bragelonne dans la collection Thriller. Alors, j'ai pas dit combien il avait de pages. C'est un gros roman. C'est un assez gros roman qui fait 479 pages. 478 pages, si j'exclus les remerciements. C'est ça. Mais qui se lit très très bien. Et qui existe, je crois, l'avoir vu en poche. Alors, je ne sais pas s'il existe en poche, mais il existe en version numérique. Excusez-nous, nous avons un problème félin. Encore ? Alors c'est original, puisque c'est un problème félin. lié à un vomissement. Voilà. Donc, vous n'avez rien entendu, mais nous, on a tout vu. Voilà. Donc, voilà. Mais rassurez-vous, c'est normal. Il vomit un petit peu beaucoup en ce moment. C'est les poils. C'est donc, les boules de poils. C'est le début de l'automne. Ils perdent beaucoup leurs poils. Et, donc, ne vous inquiétez pas. Le chat n'est pas vraiment mort puisque je ne découpe pas les chats. Même si celui-là fait envie parce qu'il est, un petit peu grassouillé. Voilà. Du coup, on va parler de ton livre et de son éclipse. Oui, merci pour la transition, Camo. Je ne savais pas comment faire. Donc, ton livre à toi, alors déjà, c'est un livre de poche qui est beaucoup plus petit. Oui. C'est un roman de poche de Gabriel Garcia Marquez. Et donc, c'est l'automne du patriarche. Oui. Donc, en livre de poche, ça fait 200, un peu plus de 250 pages à peu près. 253 pages. 255. Mais après, il y a peut-être le début à la haute. Non, mais je compte. Genre, ça commence ne à la page pas. 5, donc voilà. Ça fait page 250. Ça fait 250 pages. Donc, la couverture est un peu vert kaki, pâle. Oui. Donc, il y a marqué Gabriel Garcia Marquez, en gros, puis l'automne du patriarche. Mais surtout, ce qui m'a intriguée, c'est le dessin sur la couverture. Donc, en fait, c'est deux hommes. Je suppose que ce sont des hommes, puisqu'on ne voit pas leur tête, qui portent un immense plateau, comme ils apporteraient un plateau avec le plat de résistance d'un repas. Genre, dans, je ne sais pas si vous avez vu les 12 travaux d'Astérix, mais le moment où Obélix est en train de manger... Oui, il est tellement fin qu'il rêve de bouffe. Voilà, non, le moment où il mange chez le cuisinier, chez le cuisinier des titans et qui lui sert des plats où il y a la vache, le veau, le dromadaire, l'éléphant sur un plateau carrément. Non, pas la fois où il danse, où il voit les machins qui dansent. Oui, non. La fois où, où le cuisinier arrive avec le plateau avec sur lequel il y a l'animal entier. Maintenant, le plat de résistance, l'éléphant, voilà, le Komodo. C'est exactement ça. Il n'y a pas ça. D'éléphant à Komodo, il y a que des dragons. Sauf que sur le plateau, sur la couverture, en fait, il y a un militaire. J'ai dit Komodo, ça m'a rappelé que j'ai dû changer le Komodo de la voiture et que ça m'a coûté un bras. Est-ce que tu veux un petit mouchoir? Non, ça va aller. Je vais m'en remettre. Mais du coup, ça fait penser à ma clé et... Petit moment bizarre. Donc, sur la couverture, les deux hommes, ils tiennent un plateau. Alors, ça, je ne t'entends plus. Hein. Oui, parce que je ne savais pas trop comment enchaîner, donc j'ai répété tout bas, pour moi. Donc, sur la couverture, les deux hommes tiennent un grand plateau sur lequel, tout autour, se trouve ce qui ressemble à des choux-fleurs. Et au milieu, en plat de résistance, il y a un très, très gros militaire dans une tenue rouge, avec au moins une douzaine de médailles de taille et de couleurs variées sur la poitrine. Et j'avoue que c'est assez peu banal comme image de couverture. C'est assez peu banal et on dirait un homard, puisque l'uniforme oui, est rouge. Oui, il est rouge et c'est vrai que ça fait penser à un gros homard, mais en fait non, c'est un homme. C'est parfaitement à l'image de ce roman qui est délicieux. Je te lirai, je vais faire rapidement le résumé du livre. Oui, je t'en prie. Et je te lirai justement le passage où tu comprends la couverture. D'accord. L'automne du patriarche, c'est le pitch du roman est assez simple. Hein. C'est tout simplement, le patriarche est un dictateur hein, dans un pays d'Amérique latine. Garcia Marquez, il est colombien, donc du coup, oui, c'est ça, c'est colombien. Donc du coup, on suppose que c'est la Colombie, mais c'est un petit peu l'archétype du pays d'Amérique latine. Oui, c'est le pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine. Et le roman débute par la découverte du cadavre de ce patriarche, de ce dictateur, qui a entre 107 et 232 ans. Il a bien vécu. Il a bien vécu. C'est effectivement, il a vraiment vécu 232 ans. Il a eu un règne très très long. Il a de la chance de ne pas avoir été. Enfin, un dictateur, des fois, c'est renversé par les militaires ou par. Il y a pas mal de choses dedans. C'est le fond du roman. C'est encore un roman sur la dictature. Parce que j'aime bien ça, les dictatures. Oui, je crois que même si on a des thèmes différents chaque mois, on arrive à tourner toujours un peu plus ou moins autour de. Oui, je viens de commander les origines du totalitarisme par Hannah Arendt, donc je suis en plein dedans. Macron démission. J'avais envie de balancer ça. Mais du coup, on découvre, c'est quasiment, on redécouvre en fait qu'il y avait ce dictateur et voilà, et on le redécouvre dans un état quand même pitoyable puisqu'il est, il y a des limites, des bigorneaux sur lui, des excroissances, voilà, c'est quasiment un monstre. Et donc c'est le point de départ non seulement du livre, mais de chacun des 6 chapitres. Puisque à chaque fois, le chapitre commence par quasiment on redécouvre à chaque fois le corps du dictateur et peu à peu, en fait, on vient dans. Mais au même moment ou à des moments différents ? Alors, c'est pas très clair, mais je pense que c'est au même moment, en fait. C'est juste le début de chaque chapitre nous fait le suivi de la découverte de ce cadavre et approfondit un peu plus le portrait de ce cadavre. Mais après, chaque chapitre va faire un retour sur le passé, sur le régime de ce dictateur. Donc, je te lis quand même, parce que voilà, tu as dit c'est quand même longtemps qu'il a vécu longtemps, etc. Parce que c'est quand même étonnant qu'il ait vécu longtemps. Bah, 232 ans, un règne de 232 ans, c'est quand même... il doit pas être tout jeune, quoi. Alors, évidemment, il est entouré de ministres, de généraux, parmi lesquels se trouve un général, hein, qui c'est Rodrigo de Aguilar, hein, qui sont conseillers. Voilà. Et puis, un jour, il organise un grand banquet, et puis Rodrigo de Aguilar n'est pas là. Donc, je vais te lire cet extrait, si je retrouve la phrase. Voilà. Oui, parce que pendant que tu la cherches, je préciserai que c'est encore un de ces romans où on a l'impression qu'il y a une seule phrase dans tout le roman. Oui, on y reviendra. On entendit les bruits viscéraux des mécanismes de nos montres dans le silence d'un abîme final. Il était minuit et le général Rodrigo de Aguilar n'arrivait toujours pas. Quelqu'un tenta de se lever, avec votre permission, dit-il, et il le pétrifia d'un regard mortel qui signifiait que personne ne bouge, que personne ne respire, que personne ne vive sans ma permission jusqu'au 12e coup de minuit où les deux rideaux s'ouvrirent et où l'illustre général de division Rodrigo de Aguilar fit son entrée sur un plat d'argent, étendu de tout son long sur une garniture de chou-fleur et de laurier, macéré dans les épices, doré au four, accommodé avec son uniforme à 5 amandes d'or, des grandes occasions et des ganses de courage illimitées sur la manche retroussée de son bras de manchot. 7 kilos de médailles sur la poitrine et un brin de persil dans la bouche, prêt à être servi à ce banquet de camarades par les écarisseurs officiels, devant nous tous les invités pétrifiés d'horreur qui assistâmes le souffle coupé à l'exquise cérémonie. Je vais avoir beaucoup de mal à lire ces extraits. À l'exquise cérémonie du découpage et de la distribution. Puis quand il y eut dans chaque assiette une part de ministre de la Défense farci aux pignons et aux herbes, il donna l'ordre de commencer. Bon appétit, messieurs. D'accord. Alors là, vous avez un petit extrait de ce roman. J'ai pas très faim. Un petit extrait de ce roman que j'ai bafouillé parce que, déjà, traditionnellement, vous le savez, je bafouille. c'est pas vrai. Mais c'est un roman qui est un petit peu compliqué à lire. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a des phrases qui sont un peu longues. Bah, en fait, pour tout dire, quand tu l'as... Alors, ça faisait partie, quand on a cherché sur les livres sur les éclipses, il n'y en a quand même pas tant que ça, et on finit par tomber sur les mêmes. J'étais tombée dessus. Et tu l'avais déjà acheté. Du coup, je l'avais regardé et en fait, comme d'habitude, j'ai cherché à lire la première et dernière phrase. Et j'ai regardé pour la dernière phrase, j'ai regardé la dernière page, puis j'ai retourné et j'ai tourné et j'ai tourné. Je dis mais putain, mais il n'y a pas de point dans cette phrase. C'est pas possible. Elle commence où cette phrase ? La première phrase, elle fait 2, 4, 7 lignes. Ça va. Ça va. La dernière phrase, effectivement, je n'ai même pas cherché parce qu'elle doit être assez longue. Bah heureusement que du coup je n'en fais pas de la critique sur mon site parce que la dernière phrase, il faudrait que je mette 15 pages du roman. Ah bah, tu casserais Google avec autant de caractères. Donc du coup, c'est un livre qui est assez, assez exigeant à lire parce que d'abord, c'est... En fait, j'ai trouvé une citation, mais je la lirai après. Pas de Marquez, mais... En fait, c'est extrêmement riche en termes de vocabulaire. C'est extrêmement riche en termes de profondeur de lecture, de sens, de narration. La narration change tout le temps, en fait. On a l'impression, c'est comme une espèce de brouhaha de gens qui témoignent. Il y a des bouts de phrases où ça... Et d'ailleurs, vous c'est avez exact, c'est exactement ce que j'ai lu, moi, dans les commentaires, quand j'ai fait ma petite recherche sur le livre pour préparer l'émission, où j'ai lu quelqu'un qui faisait un commentaire, mais la phrase commence, et puis ça, dans la même phrase, on change de personne qui parle, ça change de point de vue, ça doit être très très difficile de s'y retrouver. C'est assez compliqué à lire, c'est compliqué à rentrer dedans, même si tu en as été témoin, puisque c'est un livre que j'ai lu beaucoup à voix haute, même si, encore une fois, la lecture à voix haute permet de le rythmer. Oui. Et c'est un peu la clé et le génie de ce livre, parce que c'est un livre génial. C'est vraiment... J'aurais dû enregistrer ta réaction quand tu l'as terminé, parce que c'était... incroyable. C'est du génie intégral. Enfin, c'est un livre fou, mais c'est fou. C'est fou furieux, ce livre. C'est un livre qui se dévoile peu à peu, en fait. C'est-à-dire que moi, il est divisé en 6 chapitres. Six phrases. J'ai passé les deux premiers chapitres à me dire mais c'est bizarre, c'est tellement le bordel dans ce livre, où est-ce qu'il veut en venir, il y a forcément un truc derrière, c'est-à-dire que c'était tellement le bordel, c'était tellement dans des scènes comme je viens de te décrire, c'est-à-dire qu'il y en a partout, c'est par moments très pipi caca, c'est très cru, le portrait qui est fait du patriarche est exquis, et voilà, il y a tellement de vocabulaire, il y en a partout. Tu te dis, mais quel est le message derrière ? Il y a forcément un truc, il y a une clé quelque part. Non. Hein ? Bah non. En fait, il n'y en a pas. Et oui, en fait, il y en a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis arrêté. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu te renseignes sur le bouquin, parce que tu es en train de passer à côté d'un truc. Tu es en train de ne pas comprendre le livre. Et c'est même perturbant, parce que je lis à voix haute aussi, parce qu'en lisant à voix haute, j'occupe mon esprit avec la lecture. Je ne sais pas si ça te le fait, mais des fois, quand moi je ne lis pas à voix haute, je fais la liste de courses, je pense au boulot, mais là tu ne peux pas, en fait, parce que tu rates des trucs. Donc tu es obligé. Alors non, effectivement, ce n'est pas un truc qui m'arrive. Moi, quand je lis, les mots emplissent tout mon esprit et je suis dans le livre et je pense à rien d'autre. Alors, dans un livre où les phrases sont rythmées, où tu comprends ce que tu es en train de lire, ça va. Mais quand c'est dans un livre effectivement. Où tu empiles les phrases, les formules alambiquées, etc., à un moment donné, tu te perds et tu dis « Ah, est-ce que j'ai acheté du pain ?» Oui, je vais acheter du pain, ok. Et sinon, au boulot, ils ont dit quoi ? Alors, du coup, le général de patriarche. Et du coup, tu as perdu une demi-page. Et pour te dire, on n'a pas encore parlé de la stade de l'éclipse, on y reviendra. Mais à un moment donné, j'ai relu 3 fois le même passage en me disant, mais est-ce que c'est pas là l'éclipse ? Je savais qu'il y avait une stade d'éclipse, mais on ne dirait pas une éclipse. C'est un peu comme par omission, c'est pas une éclipse. C'est au contraire, il y avait trop de lumière. Donc, mais je devenais fou. Donc, je me suis dit... Tu fais une pause et tu vas un peu te documenter sur le bouquin. Ouais. Je suis tombé sur un article très intéressant. Un article que je mettrai en note du podcast, qui est une analyse un peu littéraire du livre et plutôt de la structure du livre. Parce que vraiment, mon problème, c'est que je me disais, il n'y a pas de structure dans ce livre. Et si je retrouve la capture que j'ai fait de l'article, je vais lire... Tu as trop d'applications sur ta tablette, c'est pour ça. Mais oui, mais en plus, tu sais, ils ne sont pas organisés de manière à ce que ça se finisse. Tu vois, à la fin, là, j'ai des trous. Voilà, ça me gêne, moi, quand il n'y a pas toutes les lignes qui sont bien complètes. Ça, c'est pour moi. Ça, parce que sur mon téléphone, quand j'ai mes applications, bah, il faut que ça fasse une ligne droite à la fin. J'aime pas quand c'est pas aligné, mais bon. Et donc du coup, il y a dans l'article que j'ai lu que vous retrouverez en haut du podcast pour vous accompagner dans la lecture. Je pense que c'est un bouquin qu'il y a besoin qu'on éclaire un petit peu le chemin pour savoir. En fait, où c'est on un va. Bouquin qu'il faut pas lire en étant tout seul avec le livre. Il faut avoir des clés de lecture pour le suivre et le comprendre. C'est un bouquin. Désolée, c'est l'heure de ma morphine. C'est un bouquin qui est typiquement... Mais tu vas comprendre, en fait, quand je vais te lire la citation. C'est une citation de Gabriel Garcia Marquez. De Gabriel Garcia Marquez. Je ne sais pas, je voulais l'appeler Laurent. Qui dit « Je suis esclave d'une rigueur perfectionniste qui me force à faire à l'avance un calcul exact de la longueur du livre avec un nombre de pages pour chaque chapitre et pour l'ensemble du livre. » Et là, je me suis dit « Mais comment le mec qui dit ça peut écrire un bouquin ?» Où ça part dans tous les sens. Où ça part dans tous les sens. Si ce n'est que, oui, au début de chaque chapitre, on redécouvre le corps du patriarche. Et où, voilà. Et au final, quand tu commences à regarder, déjà, effectivement, les chapitres, les quatre premiers chapitres sur les six, font le même nombre de pages. Mmh. Les deux derniers sont un peu plus longs, mais font les deux ensemble le même nombre de pages. Après, ça dépend peut-être aussi de la traduction. Ça dépend de la traduction, même si je pense que non. Il y a une grosse différence entre les quatre premiers et les deux derniers. Non, c'est juste il y a 5-6 pages en plus. Parce que ça pourrait effectivement être un problème de traduction. Je sais, c'est un livre qu'il a écrit dans le temps en fait, qu'il a un peu écrit, je pense, au rythme des choses, et quand il a voulu finir les choses, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus de choses à passer. Mais c'est un livre. Et en fait, je me suis dit, il y a forcément une structure cachée, il y a forcément quelque chose, et qui en plus était impliqué un peu par le bouquin, parce que dans le bouquin, dans les deux premiers chapitres que j'avais lus, parce qu'on parle quand même d'un dictateur, mais je trouvais que dans le discours, dans certains passages, c'est pas qu'il trouvait des excuses à ce dictateur, mais il avait l'air en fait de sous-entendre que ce dictateur, il était le fruit d'une sorte de système, que oui, il avait pris le pouvoir, mais que il avait été, ce pouvoir avait été perverti par une espèce de système dont tout le monde était complice. Il y a évidemment les généraux, il y a les ministres, il y a les Américains, il y a la communauté internationale de manière générale, mais il y a aussi les habitants de ce pays, dont on ne connaît pas le nom, qui sont un peu complices. C'est-à-dire qu'il y a un passage où lui, il ne s'aime pas trop physiquement, donc du coup, il faut aller parler à la foule, et en fait, il a pas envie de se montrer parce qu'il a conscience que ça diminuerait son pouvoir, donc il se couvre sous tout un tas de trucs, on ne le reconnaît quasiment pas. Et dans la même phrase, tu as le point de vue des gens de la foule qui disent que bah, malgré tout, ils sont satisfaits parce que ils ont l'impression qu'ils veillent sur lui. Oui, mais tu sais pas du tout en fait. Ça se trouve, c'est un autre, c'est un double, c'est même quelqu'un d'autre. Tu sais pas d'autre. Qu'il y a sous la montagne de vêtements qui se voilà. présentent. Voilà. Et du coup, ils sont indirectement complices de ça. Mmh. Et je me disais, il y a une structure. Il y a forcément une structure dans ce bouquin. Et effectivement, c'est un bouquin qui est très bordélique de prime abord. Mais qui pourtant est ciselé à leur fin, structuré à leur fin. Et quand on a lu, pour ça, je conseillerais de faire peut-être comme moi, de lire les deux ou trois premiers chapitres pour vraiment se plonger dans le désarroi de ce livre. Allez lire l'article que je vais mettre en note du podcast. Ça va vous spoiler un peu les choses, mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'histoire, pas d'intrigue, pas de suspense. On sait qu'il meurt à la fin, puisqu'on le sait dès le début. Mais du coup, j'en ai retrouvé le plaisir, par exemple, que j'ai eu le plaisir à lire L'Assommoir de Zola au lycée, à essayer de comprendre les figures de style, etc. Et c'est typiquement ça. C'est un exercice de style, ce bouquin. Le bouquin et chaque chapitre est construit autour, pour moi, d'un chiasme, c'est-à-dire un peu un miroir. Au milieu de chaque chapitre, il se passe un truc, et c'est l'espèce de point d'équilibre, nous explique l'article, entre... en fait, ce qui s'est passé avant ce point d'équilibre, on le retrouve un peu en miroir après. Il y a notamment un chapitre où c'est un patriarche qui il y a beaucoup de femmes. D'abord parce qu'il a la main leste. Oui, puis il y a 232 ans de règne, il a dû en connaître plus d'une. Il est très libidineux. Voilà. Et il y a un chapitre notamment où on commence par la mort de sa mère. Il a une relation un peu malsaine avec sa mère, et même s'il n'y a rien de sexuel, hein, mais il parle beaucoup de sa mère, beaucoup trop. Et après ce point d'équilibre du milieu de chapitre, donc avant ce point d'équilibre, il y a la mort de sa mère, et cette mort, elle est décrite, et on décrit comment on la maquille, on fait le maquillage mortuaire, etc. Ouais. Il y a le point d'équilibre, un truc qui se passe au milieu du chapitre, et quasiment à l'opposé, au même endroit en fait, mais en effet miroir, il y a la rencontre avec sa future femme et comment on l'a maquillée, comment on l'a, voilà, on a gâché sa beauté, etc. Et en fait, ça, je pense qu'on ça demanderait tellement de lecture en fait, faudrait le lire plusieurs fois, c'est un bouquin qu'il faut lire plusieurs fois pour comprendre toutes les subtilités, tout le travail qu'il y a mis derrière. C'est génial. En fait, la seule envie que j'ai eue, c'est de reprendre la première page et de retrouver ce général mort et de me replonger vraiment dans tous les aspects et de redécouvrir, de relire à nouveau ce bouquin. Voilà. C'est un livre qui peut avoir besoin de plusieurs lectures pour bien l'appréhender. Je pense qu'il en faut 200 ou 300. Il y a plein de petits passages, en fait. Il y a des moments de magie absolue, des moments de clarté, des moments de... C'est ça aussi, à un moment donné, qui m'étonnait, c'est que je trouvais que dans le discours, parce que, mine de rien, c'est un livre engagé qui décrit ce qu'est... Je vais me permettre une question, parce que... Autorise-toi, ma chérie. Tu parles d'un dictateur, mais est-ce que c'est un livre... Qui prend parti, enfin qui critique la dictature, qui prend position ou Je sais que sur Babelio, j'avais regardé les critiques, puisque je n'ai toujours pas parlé d'Eclipse. Oui, c'était ma question suivante. Je voulais savoir où elle se trouvait dedans, mais on y reviendra. Parce que pour le coup, il n'y a pas du tout de structure au niveau de l'Eclipse. L'Eclipse est vraiment elle est dans le livre, mais ne structure pas le livre. Mais il y avait une critique qui disait que le livre était bien, mais que la personne regrettait parce qu'elle apprenait rien des dictatures latino-américaines. Oui. Et pourtant, en fait, quand tu lis le livre, tu apprends plein de choses. C'est-à-dire que oui. En fait, ce dictateur, il s'inspire de plein de dictateurs d'Amérique du Sud, d'Amérique latine. Oui, c'est ça. Il y a plein de dictateurs qui sont en fait des dictateurs fantoches qui sont là par le système. Il est resté 232 ans parce que le système l'a laissé rester 232 ans. Il a de la chance de vivre aussi longtemps, dis donc. Parce que il y a de la chance, je sais pas, parce que je suis pas sûr qu'il le vive comme ça. Et du coup, il y a une certaine je dirais pas compassion, mais il arrive parfaitement, en fait, je trouve, à analyser ce que c'est qu'un régime de dictature, ce type de régime de dictature, où au final, il le dit lui-même, en fait, c'est un dictateur qui a un grand palais, mais où il y a plein de vaches partout, il y a des bouses, etc. Quand on découvre le corps, il y a des vaches partout, de la merde partout, c'est une horreur. Faut que je te fasse la comparaison. C'est un gros n'importe quoi. En fait, je vais te faire une référence qui va te parler à toi, qui va parler à certains de nos auditeurs. Ce livre m'a fait penser et a le même effet que moi. J'ai fait la comparaison avec un film que j'ai vu, qui s'appelle « Il est difficile d'être un dieu ». Je pense que ceux qui suivent mes activités podcastiques se souviennent qu'à une époque, je faisais un podcast qui s'appelait « Au-delà de la bande-annonce mystère », où je faisais découvrir un film par le biais d'une bande-annonce et après, on s'engageait à le regarder. Et un jour, j'ai montré la bande-annonce d'un film... C'était le premier, en plus. Oui, d'un film russe en noir et blanc. Je dois avouer que ceux qui ont accepté de participer à ta première émission sans savoir à quoi s'attendre... Je pense que ça a plombé le concept, puisque c'est un film russe noir et blanc de 4 heures. Ouais. Je dois être la seule auditrice qui l'a regardé. Un peu sans queue ni tête, que moi-même je me suis demandé mais pourquoi tu regardes ça, pourquoi tu t'infliges ça, et en même temps, à la fin, je suis sorti mais en me disant mais c'est ça le cinéma, quoi. Le cinéma, c'est un truc qui te met dans un tel état d'incompréhension que tu cherches en fait à comprendre l'intention de l'autre, etc. Et moi, c'est un truc que j'aime bien dans les bouquins ou dans les films, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le mec il a mis le bureau à cet endroit-là et pas ailleurs. Il y a forcément un sens. Même si je crois beaucoup en la leçon d'Oscar Wilde qui disait bon bah si j'ai besoin que la rue elle tourne à gauche alors qu'en vrai elle tourne à droite, je la ferai tourner à gauche. Il disait alors, pas comme je, ça. J'admire parce que en même temps tu fais les mouvements avec tes mains et quand tu tournes à gauche tu vas à droite et quand tu dis qu'il tourne à droite. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est ça. Et donc, j'ai bien fait de noter cette citation. Et donc, du coup, moi, j'aime bien quand même comprendre pourquoi est-ce qu'il fait tourner à gauche et pas à droite, alors qu'en vrai, c'est à droite. Il y a forcément un sens caché. Et du coup, je trouve que c'est bien les films ou les livres comme cela qui te déstabilisent, te mettent dans un tel truc où tu perds tes repères que tu te demandes pourquoi. Mais en fait, juste cette question-là, pourquoi ? Et du coup, tu viens vraiment à réfléchir sur le film, les intentions, l'histoire. Et voilà, c'est le même sentiment que j'ai eu sur ce livre. Ça a été un long... Mais pourquoi ? Oui, c'est pas un livre qui te laisse indifférent. Enfin, tu peux pas, tu lis pas ça... Non, tu... clairement pas. Mais ça fait, c'est un truc que j'avais lu dans les commentaires et que ça m'a beaucoup amusé. C'est... Il y a quelqu'un qui avait noté, c'est pas le genre de livre où vous vous dites, bon, bah, je lis encore une phrase et puis je vais me coucher, parce que, elle disait, la personne, en fait, vous vous dites, je lis une phrase et en fait, vous vous retrouvez à lire 6 pages. Mais oui, moi, j'ai développé un réflexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, bon, bah, tu continues, tu t'arrêtes quand il y a un point. Puis ça fait 6 pages que je me dis, je m'arrête quand il y a un point, il faut que je m'arrête à un moment donné. Donc, en fait, j'essaie de m'arrêter en haut de la page gauche. voilà. Quand c'était pertinent, parce que en fait au début je me rendais compte que je reprenais, je me dis, mais ça je l'ai déjà lu, parce que je m'étais arrêté en bas de la page droite, ouais. Mais comme je savais plus où je m'étais arrêté la veille, je reprenais en haut de la page gauche en fait, voire la page d'avant. Donc du coup vers la fin j'ai pris le réflexe, je me dis tu t'arrêtes tout le temps en haut de la page gauche, comme ça tu seras sûr. Mais du coup ouais, c'est un livre, je sais plus quelle était la question de départ. La première question de départ que je t'avais posée, c'était si ça, c'était s'il prenait parti, si c'était une critique de l'éducateur. Et du coup, oui, c'est ça la force, c'est que je trouve que tout en essayant de comprendre, c'est-à-dire que quand on analyse les dictatures comme tout, et c'est un peu le lien avec ton livre, c'est qu'il faut prendre, alors qu'on n'a toujours pas parlé d'Eclipse dans mon livre, c'est que il faut prendre un peu de recul, il faut regarder un peu tous les aspects, et je trouve qu'il arrive à regarder un peu tous les aspects et du coup à avoir une analyse finalement très très très fine. Je parlais tout à l'heure de Hannah Arendt, il se trouve que le hasard fait que j'écoute un podcast en ce moment qui parle de philosophie, où on parle du totalitarisme. Où je retrouve des liens, en fait, du coup j'ai envie de creuser, parce que mine de rien, en fait, dans l'analyse, il n'est pas dans une forme de jugement, il est au contraire dans une forme d'analyse. D'accord. Mais malgré tout engagé, parce qu'il essaye un peu quand même par ce biais-là de décrire, et on retrouve tout ce qu'on s'attend, c'est-à-dire que oui, dans une dictature, il veut charmer, il rencontre une fille qui est une fille du peuple, il est subjugué par elle, le moyen de la séduire, qu'est-ce qu'il fait ? Elle résiste, elle n'est pas très chaude, elle en fait d'ailleurs une description qui n'est pas très glorieuse. Il va lui faire plein de cadeaux, dont un cadeau très particulier, puisqu'il va lui offrir une éclipse. Je vous lirai l'extrait de l'éclipse, promis. Ça nous prouvera qu'il y a bien une éclipse. C'est ça. Et comme il veut lui faire plaisir, à un moment donné, ce qu'il fait, c'est qu'il rase tout le quartier et il reconstruit des beaux trucs autour. Voilà, donc c'est typiquement le truc mégalomaniaque. Oui. Il y a les rafles qu'on fait partout. Il y a l'exécution d'un général. Mais il y a aussi les moments d'intimité. Le patriarche, tous les soirs, s'endort, et ça revient très souvent, il ferme sa porte de sa chambre avec, il a 15 000 verrous, évidemment, il est paranoïaque. Hein. Il se déshabille, il se couche à plat ventre sur le sol, et il dort comme ça. Le cadavre, on le retrouve comme ça. Voilà, il y a le moment pathétique où il est tellement isolé par le pouvoir que, en fait, il a ordonné à ses services de repeindre les chiottes tous les jours. Parce qu'en fait, il se rendait compte que les gens écrivaient des trucs dans les toilettes, comme on voit dans les toilettes, oui, des petits messages, etc. Publics. Et pour lui, en fait, ce qu'il avait écrit dans les chiottes, c'était son moyen d'avoir de l'information, puis de l'information de première source. Mm-hmm. Et il était content, en fait, de voir, par moment, vive El Macho, etc. Donc, vive le général, hein, vive le patriarche. Sauf que c'est lui qui écrit ça. Donc, il y a tous ces petits moments où, en fait, on a à la fois cet homme qui est terrifiant, qui a un pouvoir terrifiant et qui a le pouvoir de vendre la mer, voilà, et en même temps qui par moment est un petit garçon. Il faut que je vous le lise parce que il y a ce passage quand même qui va beaucoup te faire rire, je pense. C'est un passage où j'ai mis une petite note, j'ai mis mère humiliation. Donc sache que c'est un moment où il y a une mère qui humilie. Aussi naturellement qu'un jour... Je note quand même que tu as beaucoup plus soigné tes petites notes. Oui, je développe une technique. Aussi naturellement qu'un jour de fête nationale, elle avait traversé la gare d'honneur avec un panier de bouteilles vides, rejoint la limousine du président qui venait d'ouvrir le défilé des réjouissances, donc on est en train de fêter un truc solennel, dans un brouhaha d'ovations, d'hymnes nationaux et de tempêtes de fleurs, et déposer son panier dans la voiture par la portière en criant à son fils « Puisque tu vas passer par là, profites-en donc pour rendre ses bouteilles à la boutique du coin. » Donc, en fait, moi, ce que j'ai trouvé notamment la force, c'est que il arrive à humaniser un homme qui est plus humain. C'est-à-dire que tu débutes, en plus, c'est un cadavre monstrueux, c'est un monstre, donc tu te demandes ce qui l'a rendu aussi monstrueux, ce qui fait qu'il a tenu aussi longtemps, etc. C'est un peu le système, c'est le pouvoir qui l'a perverti et qui en fait un monstre. Et il arrive à l'humaniser, mais sans pour autant à le rendre sympathique. Parce que ça reste une ordure. Mais c'est ce qui est fort en termes de dictature. C'est-à-dire que c'est très facile de considérer qu'Adolf Hitler, c'est un monstre. C'est une ordure. Mm-hmm. Mais Adolf Hitler, c'est un mec qui riait, qui aimait peut-être les blagues de caca. Ça se trouve, il aimait les chats. Peut-être qu'il était chatouilleux, Hitler. Ça n'est venu à l'idée de personne, mais ça se trouve, Hitler, oui. Il aimait faire des guillis. C'est pas un truc auquel on pense. Et du coup, ces mecs-là sont des hommes. Oui, c'est des avec humains. Avec tout ce qu'ils ont de force et de faiblesse. Et du coup, je trouve que la force derrière est beaucoup plus forte parce que plutôt que d'être dans le jugement, il est dans l'appel à la vigilance. Et un peu dans cette vision, que sous-tend un peu la forme, c'est-à-dire que le livre, qui finalement est très bordélique, mais très structuré, envoie le message au lecteur de dire « Attention, interrogez-vous. Là, je vous mets dans un truc qui est complètement bordélique. Interrogez-vous sur la structure, sur pourquoi. » Une fois que vous êtes interrogé sur la structure pourquoi, votre vision du monde, ça va être effectivement d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai un dictateur? Pourquoi je subis ce pouvoir-là? Pourquoi je l'accepte? Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est moi? Quel est le rôle de chacun? Et je trouve que c'est la force de ce bouquin, c'est que derrière ce côté très truculent, très drôle, très fouillis, il est extrêmement structuré, y compris dans son message, et il amène vraiment à te faire comprendre des choses. Donc voilà, le livre est absolument génial. Lisez-le, accrochez-vous, parce que ça vaut vraiment le détour. Et donc l'éclipse? Et donc l'éclipse, donc, comme je te disais. Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un rapport avec le thème du mois d'août. Bah, le thème, c'était un livre dans lequel il y avait une éclipse. Alors c'est vrai que moi j'ai cherché... Un roman avec une éclipse. Voilà, un roman avec une éclipse. Donc j'ai cherché, je fais comme on a fait, on est tombé sur la même liste. Initialement, ça ne devait pas être ce livre-là. J'en ai pris d'autres d'ailleurs, bouquins sur mais les éclipses. Mais il n'était pas dans la première liste en fait. C'est quand tu fouilles un peu plus... C'est en commentaire, il y a quelqu'un qui dit « Ah, dans l'automne du Patriarche, il y a une super scène d'éclipse. » C'est ça. Donc du coup, je me suis dit « Bon, je vais plutôt aller vers celui-là. » Pour différentes raisons. Je fais un petit détour sur pourquoi j'ai choisi ce livre. La première raison, c'est que j'en avais un autre en tête, mais il n'était plus disponible. Donc du coup, je ne l'ai pas lu. C'est première raison très con. La deuxième raison, c'est qu'au final, je me suis dit, est-ce que... Prends en fait le sujet, j'étais parti au début, un très beau bouquin qui avait l'air très beau, c'était l'éclipse, ça se passait pendant une éclipse, mais c'était l'histoire d'un couple dont la femme est en train de mourir et devient sénile, en fait perd la mémoire, etc. Et il y avait ce double symbole de l'éclipse. Et je me suis dit finalement, ne va pas là-dedans, au contraire, prends pas un bouquin, prends vraiment le thème, c'est prends un bouquin où dedans il y a une scène d'éclipse. J'en avais lu un. Durant l'été, où quand je l'ai lu, j'ai vu ça d'éclipse, je me suis dit, ah merde, putain, j'aurais dû attendre. Mais oui, des fois, si c'est juste un élément qui apparaît dans l'histoire, t'as pas forcément la. Il va pas apparaître dans une liste quand tu cherches. C'est ça. C'est typiquement, personne ne pense à noter, ah oui, page 14, il y a un moment donné, il mange un chat. voilà. C'est la biographie de Alf, évidemment. mais du coup, le premier truc que je me suis dit, c'est, voilà, à la limite, tu prends un bouquin où là, on te dit, clairement, il y a une scène d'éclipse et ça suffit. Bon, voilà. Bah, c'est comme ça que c'est porté mon choix. J'avais le choix entre plusieurs romans entre lesquels j'hésitais et j'ai fini par choisir parce que celui-là, dans la description, c'était un chasseur d'éclipses. Je savais qu'il y aurait des éclipses. Voilà. Les autres, j'étais pas sûre. Et l'autre raison, c'est Gabriel Garcia Marquez. Alors, on nous a offert un livre, parce qu'à notre mariage, on nous a offert des livres. À notre demande. En tout cas, dans notre bibliothèque, on a un livre de Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra. Je ne suis pas sûr du titre. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas d'où il vient, donc je suppose qu'il nous a été offert au mariage, mais il n'y a pas de dédicace dedans. Donc la personne, si elle nous écoute, je veux bien que vous nous disiez, dénoncez-vous. En fait, il y a des personnes qui nous ont offert plusieurs livres, qui ont mis une dédicace dans le premier de la pile, mais qui n'ont pas mis de dédicace dans les suivants. Oui. Du coup, comme on les a rangés, on ne sait plus forcément qui a offert quoi. Et du coup, je me dis, c'est bizarre, c'est vrai que c'est un auteur que je n'ai jamais lu, je ne connais pas, qui apparemment est un auteur qui est très apprécié. Moi, je sais qu'il y a un livre de lui qui est sur ma liste de livres à acheter. Oui, que tu veux lire maintenant. Du coup, je suis aussi dans une période avec le challenge où je me dis, au final... tu sais que moi j'aime lire parce que ça m'apporte des trucs. Mmh. Et au final, je me suis dit, commence à lire aussi des grands auteurs comme ça. Parce qu'au final, cet auteur-là, comme l'auteur du mois de septembre, je ne les ai jamais lus. Et c'est pourtant des auteurs classiques. Et ça serait con en fait de ne pas les lire. Et autant Il y a tellement de livres classiques dont on a entendu parler, dont on connaît l'histoire, sans forcément les avoir lus. C'est ça. Où il y a souvent des références à ce livre, mais finalement, on ne les a jamais lus, que des fois, c'est bien de prendre le temps de les lire. Et donc, du coup, j'en reviens à cette scène d'Eclipse. Hein, donc, c'est la fameuse histoire où il rencontre, il s'en amourache d'une jeune fille du peuple, veut la séduire. Il y a eu une première scène, en fait, il y a une espèce de prophétie qui dit que le patriarche... Il y a une comète qui passe à peu près tous les 100 ans et les gens commencent à trouver déjà que ça fait longtemps qu'il est là et il y a une prophétie qui dit que son pouvoir ne durera pas plus de 2 passages de comète. Et donc, lors du premier passage, un petit peu aidé des filles, il va voir ce premier passage de la comète avec la jeune fille ils se prennent la main et il a adoré ce moment-là. Comme quoi, voilà, un petit peu de découverte de cet homme qui a des sentiments. Et il veut recréer ce moment-là. Parce qu'il sent aussi qu'il la dégoûte un peu. Et donc, du coup, il lui fait plein de cadeaux. Il lui offre des trucs complètement fous. Et il décide de lui offrir une éclipse. Le souvenir de la main de braise de Manuela Sanchez dans sa main le torturait. Il rêvait de revivre cet instant de bonheur dû la nature renoncer à ses lois et l'univers se dégrader. Il le désirait si fort qu'il finit par supplier ses astronomes d'inventer une comète de feu d'artifice, une étoile filante, un dragon d'étincelle, bref, un engin sidéral suffisamment terrifiant pour provoquer un vestige d'éternité chez une jolie femme. Mais la seule chose qu'ils purent trouver dans leurs calculs fut une éclipse totale de soleil, le mercredi de la semaine suivante, à 4 heures de l'après-midi, mon général. Il accepta, d'accord, et ce fut en plein jour une nuit si véridique que les étoiles brillèrent, les fleurs se fanèrent, les poules sautèrent sur leurs perchoirs et les animaux aux plus sûrs instincts prémonitoires en restèrent saisis. Tandis qu'il aspirait, lui, l'haleine crépusculaire de Manuela Sanchez qui se transformait en haleine nocturne à mesure que la rose languissait dans sa main abusée par les ombres. « Regarde ma reine, lui dit-il, c'est ton éclipse. » Mais Manuela Sanchez ne répondit pas. Elle ne lui toucha pas la main. Elle ne respirait pas. Elle semblait si irréelle qu'il ne put résister au désir et étendit la main dans l'obscurité pour toucher la sienne. Mais il ne la trouva pas. Il la chercha avec le bout des doigts, à l'endroit où son odeur s'était élevée, mais il ne la trouva pas non plus. Il continua de la chercher à deux mains dans l'énorme maison, nageant avec ses yeux ouverts de somnambule dans les ténèbres, se demandant douloureusement « Où es-tu, Manuela Sanchez, de mon malheur ? Je te cherche et ne te trouve pas dans la nuit infortunée de ton éclipse. Où est ta main inclémente ? Où est ta rose ?» Il nageait dans un scaphandrier égaré, dans un étang aux eaux invisibles, avec des pièces où flottaient les langoustes préhistoriques des galvanomètres, un des cadeaux qu'il lui a offert, les crabes des horloges musicales, un autre cadeau qu'il lui a offert, les homards de tes machines pour des métiers illusoires, mais par contre, il ne trouvait pas ton haleine de réglisse. Et à mesure que les ombres de cette nuit éphémère se dissipaient, la lumière de la vérité s'allumait dans son âme, il se sentit plus vieux que Dieu dans la pénombre de cette aube de 6 heures du soir dans la maison déserte. Il se sentit plus triste, plus seul que jamais dans la solitude éternelle de ce monde sans toi, ma reine, perdu à jamais dans l'énigme de l'éclipse. À jamais vraiment, car jamais par la suite, durant les très longues années de son pouvoir, il ne retrouva Manuela Sanchez de ma perdition dans le labyrinthe de sa maison. Tu vas pleurer. Et en fait, l'éclipse, il lui fait un cadeau et en fait, il lui fait le plus beau cadeau possible puisqu'il lui donne l'opportunité par biais de cette éclipse de s'éclipser et de disparaître, de fuir cet homme qui le dégoûte profondément. Donc voilà, voilà le petit passage, c'est pour vous donner envie de lire. Très beau passage d'ailleurs, l'éclipse. Ça, oui, ça me donne très très envie de le lire. Qui en plus... alors, attends d'arrêter la morphine, ma chérie, quand même. Quoique, ça pourrait peut-être te mettre un peu de clarté. Et je trouve en plus qu'il, en quelques phrases, il décrit bien ce qu'est une éclipse. Il décrit bien le changement dans la nature, en fait. On se rend compte tout d'un coup ce qui bascule. Juste par curiosité, il y avait combien de points, là, dans ces phrases-là ? Aucune. D'accord. C'est moi qui les ai créés. En fait, c'est pareil. Les chapitres commencent, les phrases sont plus courtes. À la fin, les phrases sont beaucoup plus longues. C'est une rythmique récurrente. Mmh. Voilà, donc vraiment, lisez ce livre, nourrissez-vous-en, juste parce qu'il y a des passages. Et tant pis s'il y a des pages que vous zappez. Ça m'est arrivé d'avoir des bouts entiers de pages, j'ai rien lu, je le relisais et je comprenais toujours pas. C'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est de voir un peu, parce que les passages qui comptent sont très clairs, vous les comprenez. Peu à peu, vous vous habituez en fait, et vous faites au rythme, à l'écriture folle de García Márquez. Et puis, il y a juste des passages qui sont magiques. Oui, à partir du moment où tu réussis à lâcher prise et à te laisser emporter par le texte, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas chercher à comprendre. Je pense que le moment où j'ai compris, entre guillemets, j'ai lu un article et qui m'a donné quelques clés de compréhension, c'est le moment où j'ai arrêté du coup de chercher à comprendre. Et en arrêtant de chercher à comprendre, j'ai simplement vu, j'ai senti le livre. Et voilà, donc c'est l'automne du patriarche. Tu en parles très très bien. J'essaye de le vendre. Parce que je pense que c'est réussi. Parce que des fois, je n'arrive pas à vendre mes livres. Oui, c'est aussi l'impression que j'ai. Oui, c'est vrai. On est très dur envers nous-mêmes. Oui. En tout cas, on est très long. Ça fait 1h30, ma chérie. Oh, quand même. Et tu n'as toujours pas pris ta dose de morphine. Non, ça fait une demi-heure que j'aurais dû la prendre. Oui, mais c'est pas grave. Hein. On te sèvre. On te sèvre. Sèvre. Les deux sèvres. Oui, magnifique département. Oui, on me de-sèvre bientôt. Entre l'Eure et Loire et la Corse. Je prends pas trop de risques. Ouais, mais je sais pas sur le chemin. Mais voilà, en tout cas, donc c'est l'automne du patriarche de Gabriel García Márquez. Là, c'est les éditions Le Livre de Poche. Il y a d'autres éditions, mais c'est vrai que celle-là est à la petite couverture. Mais la couverture est sympa, elle t'intrigue. Oui, qui est vraiment. C'est clairement la couverture qui a fait la décision. Mais après que je me sois intéressé au livre, c'est vraiment, je me suis dit, bon, une couverture comme ça doit valoir le coup. Oui, ça te donne envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je regarde s'il y a la personne qui a fait le... La traduction ? Non, pas la traduction. Le dessin ? Le dessin. Des fois, c'est marqué au début ou des fois à la fin. Merci, Fab. Tu m'es d'une grande utilité. Je t'évite de regarder au milieu. ta. Des fois, c'est même marqué sur la couverture à l'arrière. Ah, peut-être, oui. Ah oui, oui effectivement. VLF Andersen. Vandenfuller Andersen. J'invente des prénoms. Merci VLF. Merci VLF. C'est une très voix navigable de France. C'est le boulot qui revient. Ben voilà, on a fait le tour de notre thème. Oui. Alors, on ne va pas cacher qu'on n'a pas eu de contribution sur le formulaire. Non. Mais on s'accroche, on vous rappelle que vous avez en note du podcast un formulaire qui vous permet, si vous le souhaitez, de nous partager vos lectures sur le thème... Le thème en cours ou les thèmes précédents, voilà. Ou les thèmes à venir. On aime bien, ça peut nous donner des idées, on regarde de temps en temps le formulaire. D'ailleurs, au sujet des thèmes à venir, on va pas tarder à commencer à réfléchir aux thèmes pour l'année prochaine. Donc, si vous avez des thèmes à nous suggérer, surtout, n'hésitez pas aussi. On est preneurs de thèmes qui ne seraient pas de notre choix. Pour élargir un petit peu encore ce qu'on pourrait lire. Mais vite d'aller dans les trucs sur les dictatures, les régimes soviétiques. Oui, moi j'ai lu beaucoup de livres asiatiques. À peu près un livre sur deux de ce que j'ai lu cette année, c'était asiatique. Oui, c'est l'année. c'est les JO de Tokyo, c'est tout. Ça doit être ça. Et donc du coup, ça nous envoie. On est officiellement en septembre, puisque on va pas se tromper. Hein, on enregistre le 32 août. On a fini les livres. Le 30 août. Pour une fois, on a fini nos livres au mois d'août. Oui, même avec un jour d'avance. Moi, je l'ai fini lundi, donc on était le 30. Et moi aussi. Et toi aussi. Donc du coup, merci au Grand Prix de Belgique qui a été plus court et m'a permis du coup de finir mon livre. Il n'a pas vraiment été plus court vu l'heure à laquelle il l'a terminé. Oui, c'est le SAV qui a été plus court et du coup j'ai pu finir plus tôt et j'ai pu lire mon livre. Et du coup, le mois de septembre, quel est le thème, Bibiche ? Alors, pour le coup, c'est un thème très ouvert puisque... le thème exact, alors attends, je reprends la formulation exacte, c'est un roman en 9 lettres. Donc en fait, c'est un roman pour lequel soit le titre, soit le nom de l'auteur doit avoir 9 lettres. Ce qui est très ouvert, du coup. On doit vous dire qu'on a déjà une proposition, mais... Oui, c'est l'heure de prendre mon médicament yonique. C'est l'heure de ton médicament yonique. Tout à fait. On ne prend que des médicaments bizarres. Hein. Toi, de la morphine, moi, un médicament yonique. Ça va quand même falloir qu'on consulte. Heureusement qu'on n'a pas enregistré au moment où les chats avaient faim. Oui, ils utilisent croquettes de taille, tout à fait. Mais parce qu'on se met des rappels pour tout, parce qu'on n'a plus de mémoire. Non, mais c'est bien, on a dressé nos chats à attendre la douce voix de... On a pensé à vous, on s'est dit, s'il suffirait que l'enregistrement termine tard, et dans les cas, il se termine tard, parce qu'il est 20h30, pour éviter que les chats nous dérangent, parce qu'il y a une heure avant, ils sont dans l'incertitude, du coup, ils viennent nous voir en disant, c'est pas l'heure de manger, hein, c'est pas l'heure de manger. Là, du coup, en fait, ils ont compris que tant qu'elle ne disait pas utilise croquette taille, c'était pas l'heure de manger. Donc, jusqu'à là, on est tranquille. ce qui ne veut rien dire, utilise croquette taille. Non, c'est juste qu'elle n'a pas compris ce qu'on lui a dit. À part dans un bouquin de Gabriel Garcia Marquez, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, on a déjà eu une proposition. Oui. Ça nous arrangerait que ça ne soit pas la seule. Oui, et puis la personne n'a pas signé sa proposition. Oui. Même si d'une fête de la proposition, on soupçonne fortement l'identité de la personne. Oui, la proposition en elle-même. Qui l'a suggéré. On sait que c'est toi, Scani. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de romans... Dans le formulaire, si vous avez des suggestions de catégories, en mettant un commentaire, soit sur Podcast Addict, soit sur Apple Podcast, en nous mettant 5 étoiles, mais on ne s'offensera pas si vous en mettez que 4,5. voilà, pour nos futurs challenges. L'occasion de rappeler qu'on est disponible, évidemment, grâce à notre talent, mais aussi grâce au service PodCloud qui nous permet de alors grâce à l'hébergeur hein, déjà qui héberge le fichier, mais aussi grâce à PodCloud qui nous permet de diffusion et de mettre à votre disposition ce flux. J'aime beaucoup te regarder enlever tous les petits post-it que tu mets sur les pages de ton roman. Bah du coup oui, j'ai l'impression de finir le livre. Pour le coup voilà, je rends ce livre tel qu'il était. Pendant la lecture, je corne les pages. Oui. Après avoir fini le livre, je reviens sur les pages que j'ai cornées et je relis les passages. Et tu cherches lequel passage t'avais marqué qui t'avait fait corner la page. Souvent, c'est « Mais pourquoi t'as coché cette page ?» Je ne sais pas. Ça m'arrive souvent aussi. Mais c'est bien, ça permet de faire le tri. Du coup, tu ne cites pas trop de trucs. Je garde que 10 extraits au lieu de 40. Et là, du coup, j'ai décidé d'innover parce que je mets du coup des petits bouts de post-it en fait à l'endroit où je suis censé commencer le livre. Mais avant, je vous avais remarqué dans les précédentes émissions où je cherchais. Il y avait beaucoup de post-it dont tu savais pas lequel c'était. Voilà. Donc maintenant, en fait, je mets le post-it. Je mets éventuellement une petite marque quand c'est un extrait important. Voilà, avec la lettre de l'extrait. Bon, là, j'ai mis Eclipse, donc j'ai mis un E. Et pour couverture, j'ai mis couverture. J'ai mis un C. Et du coup, maintenant, sur le truc, je mets en fait, un petit mot-clé. Genre, tout à l'heure, l'extrait que je vous ai lu, j'ai mis « mère humiliation ». Et pourquoi « mère humiliation » ? Parce que c'est un passage où la mère humilie un peu son fils. C'est sa mère qui l'humilie. Voilà. Je pensais que c'était la mère qui était humiliée, c'est pour ça. Même s'il y a la mère, il y a un passage... La mère glouglou. Je ne vous le lirai pas, je vous laisserai lire, mais il y a un passage qui est quand même exquis, où à la fin, il vend la mère aux Américains, parce que le pays est très endetté. La mer, l'océan. La mer, l'océan. Et en fait, les Américains viennent littéralement chercher la mer. Donc voilà, c'est tout l'univers. Ils prennent des camions citernes pour la série. Non, en fait, ils le découpent façon puzzle et ils l'emmènent pièce par pièce sur des grandes barges. Et donc, ils emmènent la mer à un autre endroit. Ce livre est barré. Mais voilà, mais il est tellement, mais c'est tellement poétique. Mais bon, je ne reviendrai pas, je vous laisse le lire. On a parlé des réseaux sociaux. Non, on n'a pas parlé des réseaux sociaux. Non, t'as dit qu'on pouvait nous mettre des étoiles. Oui, on peut nous mettre des étoiles. On est sur PodCloud. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mais on est aussi sur les réseaux sociaux, Bibiche. Oui, sur Twitter et sur Facebook. Est-ce que tu peux nous rappeler les comptes Twitter, le compte Twitter, c'est le plus important, c'est celui qui est le plus animé. C'est Livre-nous. Livre-nous au pluriel. Au pluriel. Voilà. Parce que délivrez-nous, on ne savait pas écrire. Non, et puis c'était trop long. C'est tout à fait. Puis en fait, c'est Twitter qui, quand on a dit le nom délivrez-nous, nous a spontanément proposé Livre-nous. Oui. Donc oui, pourquoi pas. Et on en profite parce que vous pouvez écouter l'émission sur Google Home, mais pas sur Alexa. Parce que voilà, Alexa, on a essayé, ça ne marche pas. Mais en tout cas, la nôtre, elle ne veut pas. Voilà, on a Quentin qui nous a apporté la preuve que sur Google, ça marche tranquille. Alors ça se trouve, il nous a envoyé un extrait, il a galéré pendant 3 jours avant de lui faire... voilà, il a dû reparamétrer tout Google. Mais en tout cas, sur Google, ça marche. Vous pouvez entendre sur enceinte connectée. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais vous pouvez tenter l'aventure. On peut toujours essayer. Et du coup, Bibi, c'est le moment où on clôture l'émission. Ah mon Dieu, j'ai oublié de réfléchir à un mot. Oh, arrête, tu m'as dit que t'en avais un. Je t'ai dit que non, tu dis pas morphine comme les précédentes émissions. Elle dit non, c'est bon, j'en ai un. Oui, mais bon, en fait, il est ridicule mon mot. Je crains le pire. Je sais même pas si je vais avoir la force de lancer le générique. Avion.